se dessinent les mots lisses de ton beau pays auvergnat. Sur la route de Saint-Maurice, j'écoute Hotel California. Cet air ravive ma mémoire. Je revois mon adolescence. Quand, pour cacher mon désespoir, je déclamais silence. Je me sentais désarçonné pour rester en équilibre. Je niais le monde de mes aînés. Je voulais vivre l'amour libre. Mais je l'ai bien. Tout est plus simple aujourd'hui. Je vis le monde de mes aînés. Puisqu'il est le jour de ta nuit, que sa voix calme tes douleurs. Si tu frissonnes quand il t'effleure, n'hésite pas, donne-lui ta vie. Prête tes serments jusqu'à la mort. Ça n'est peut-être qu'un discours, mais tu sentiras chaque jour sa main serrée, la tienne plus fort. Vous voilà au pied de l'autel. Chacun se cherche une attitude pour ce moment si solennel. Qu'on voudrait sans incertitude. La vie souvent est un mystère. Si tu veux percer ses secrets, certains réveils seront amers, chargés de remords, de regrets. Mais sur les pages de ton destin qui se tourne jour après jour, certains que mon chagrin.